saveur fruitée me sort du lit. Un truc genre de la fleur de lys. Ça changera des odeurs de pisse, de ma cage d'escalier. À ces crades des 4 étages, à défaut de 4 étoiles, je me gratte les poils et ça me casse grave. J'ai un casque qui me pousse à l'intérieur du crâne. Je me réveille encore bourré de la veille. Je sens un truc, j'ai la bouteille encore serrée dans les bras. Si je continue, j'aurai le nez pareil à un nid à paix. Ça c'est grave désastre à l'égard des femmes que j'aimerais voir les 4 jambes en l'air. Du temps, j'en ai plein à ma disposition. Et si ça force, je reviendrai pour faire bonne impression une autre fois. Malabar, ce n'est pas de mal avec que mes bras de calamar toucheront mes 10 orteils. J'en ai marre de tous ces moucherons. Et si je sortais les poubelles, peut-être qu'ils se bougeront. Ok, ok, je soulève le sac qui craque et patatras, tout est par terre. Parsemé sur le sol, je vois mes haltères que j'avais déjà la semaine dernière. Derrière moi, un petit rire démoniaque de mauvaise qualité, sans doute enregistré à l'arrache dans une poupée de mer me glace le sang. Personne, gros salut au garnement. Je frotte ma vue et calmement me retourne pour voir que ma poubelle est pleine et bien debout.